13. Activation, dictée. Écoutez et complétez le texte ci-dessous. C'est une carte postale de Robert à sa mère. Ma chère maman, je suis arrivé à Paris hier. Aujourd'hui, j'ai rencontré une étudiante en histoire de l'art à la Sorbonne. J'espère aller à Chartres avec elle demain ou après-demain. Bon baiser, Robert.